Bon, on fait quoi pour le divorce ? Bah, je garde la maison et la voiture. Pas question. Pas la Golf. Bah, c'est ma voiture. Alors, je veux plus divorcer. Thomas, je t'en prie. Mais je t'aime. Thomas ! Quoi ? Si, je te re-aime. Je... Oh là là. Non, mais ça arrive tout le temps, ces trucs-là. Allô ? Mon amour ? Quand on a une Volkswagen, on a une Volkswagen. En ce moment, profitez du crédit 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 10 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 277,78 euros, montant total dû 10 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, conditions sur Volkswagen.fr. Porte ouverte ce week-end. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui la veste, épisode 3, le Penelope Gate, la chasse au canard, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossire. Aujourd'hui dans l'affaire sensible, la fiction, troisième épisode donc, de La Veste. Une série en quatre épisodes autour du parcours plus que mouvementé de François Fillon à la présidentielle de 2017. Cette élection et le séisme politique qu'elle a provoqué dans les partis traditionnels, nous la suivons de l'intérieur, à travers un groupe de parlementaires élus ou permanents des Républicains. Le parti a demandé une agence de conseil communication pour animer des groupes de parole permettant de surmonter le traumatisme de la défaite de François Fillon. Nous suivons ici, dans ce séminaire aux confins de l'Île-de-France, l'un de ces groupes, justement animé par Éléonore et son assistant Enguerrand. Dans ce troisième épisode, Penelope Gate, la chasse au canard, la fiction recouvre la période qui va du premier article du Canard enchaîné le 25 janvier 2017 jusqu'au 4 mars 2017, jour anniversaire des 63 ans de François Fillon, mais surtout veille du meeting du Trocadéro, période où le doute fait basculer le candidat républicain de chantre de la morale en politique à menteur et profiteur cynique. Cet épisode évoque donc les principales révélations de l'hebdomadaire satirique et les enquêtes de la presse. Quelles sont les premières réactions de l'équipe Fillon à ce moment-là? Quelles sont les réactions du candidat lui-même? Et puis que dire de ses premières dénégations lors de la série de meetings et des premières tentatives de contre-feu médiatique et son soutien public à Penelope? Pour nous éclairer dans cette seconde étape de la campagne de François Fillon et les raisons de sa chute, nous recevrons, après la fiction, Hélène Salvi, journaliste politique à Mediapart. Elle a suivi toute la campagne présidentielle de François Fillon et publié plusieurs enquêtes sur certains volets de ses affaires. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. La veste. Un feuilleton de François Fillon. François Perrache. Réalisation, Cédric Ossire. Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Je vous demande de me suivre. Épisode 3, Penelope Gate. La chasse au canard. Et avant-hier, j'ai encore refait ce rêve érotique où je vois mon père. Je marche derrière lui et on arrive au pied d'une échelle gigantesque. Il grimpe tout en haut pour rejoindre maman. Moi, je reste en bas. Et soudain, il tombe. Il tombe, il est entièrement nu. Il porte seulement sa montre et le haut de son costume. C'est bien. Exactement ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra sur votre père à la prochaine séance. Ok. Excusez-moi, mais est-ce que pour une fois, je pourrais vous demander un conseil? Ça concerne votre analyse? Non. Le dosage de vos anxiolytiques? Non, non. En fait, c'est pour le boulot. C'est à propos du séminaire que j'anime en ce moment, dont je vous ai parlé. Le séminaire sur François Fillon. Je m'aperçois qu'ils sont tous dans le déni. Ah, le déni. Vous savez que le rôle d'un analyste n'est pas de donner un avis ou des conseils. A fortiori sur des personnes que je n'ai jamais reçues en consultation. Je sais, mais j'aimerais avoir des éléments un peu solides de théorie à leur faire partager. Sur cette question du déni qui les concerne tous. Bougez pas, je vais vous chercher ma Bible. Vous connaissez la planche Pantaïs? Qui? Où est-ce que je l'ai fourré? Petit, petit, petit, petit, petit, petit. Je réfléchissais à cette question du déni et je me disais que les hommes politiques sont particulièrement doués pour ça. En fait, ils ont besoin de la force du déni pour reconnaître les choses et en même temps les nier. C'est peut-être ça, la politique. Nier la réalité et croire qu'on peut la changer rien qu'en parlant. C'est pas seulement vrai des politiques. Et c'est en ça qu'ils nous fascinent. L'être parlant est très bien équipé en outils pour savoir, pour apprendre, pour communiquer. Mais il est tout autant équipé d'outils pour fermer, pour ne pas savoir, pour nier, dénier et démentir. Il y a plein de formes possibles. La dénégation, le refoulement, l'oubli... Mais c'est intéressant. Quand Fillon dit « Oui, j'ai travaillé avec ma femme, c'était légal, le problème c'est que c'est pas moral, et c'est ça que les Français me reprochent. » En gros, il dit « J'assume, mais... » Je comprends pas. Il assume ou il assume pas ? En disant ce « mais », il cherche sans doute à garder le contact avec la part de lui qui dit la vérité. C'est ça la force du déni, qu'on utilise tous dans notre quotidien. Ah ! Jean Laplanche et Jean-Baptiste Pontalis. Vocabulaire de la psychanalyse. J'aime bien retourner au dictionnaire. Déni. Terme employé parfois dans un sens spécifique. Mode de défense. Consistant en un refus par le sujet de reconnaître la réalité d'une perception traumatisante. Il est, on ne devrait pas commencer. Oh, attends, cool. Il fait bon, on est bien, c'est vendredi, on est loin de Paris et tous ces cons. Laisse-nous profiter du soleil 2 minutes. Il est 10, passé. Allez, allez, on y va. Finissez vos clopes et vos cafés et on démarre. On n'attend pas Laurent ? Tu sais s'il va venir aujourd'hui ? Il avait un empêchement. Mais il m'a rien dit. Ouais, s'il vient pas, on s'en remettra. Hein. Oh, j'ai aucune envie d'aller m'enfermer. Quitte à parler du canard enchaîné, vous voulez pas qu'on le fasse ici, au soleil ? Tiens, quand on parle du jeune loup, on envoie la grosse bagnole. Salut, désolé. Salut Laurent. Et tu peux pas laisser ta voiture ici, Laurent. Faut la garer là-bas, avec les autres. Attends, sous les platanes ? Avec les oiseaux qui vont me chier dessus ? Attends, elle dérange pas, là. J'imagine que c'est pas toi qui la lave, ta voiture. Bah, celle-ci, si, figure-toi, j'y tiens. Et moi ? Tu me dis pas bonjour. Qu'est-ce que tu fous là ? Pardon ? Qu'est-ce que tu fous là ? Mais ça va pas de... Mais qu'est-ce qui te prend, Laurent, de parler comme ça à Fida ? Non mais c'est bien un séminaire Les Républicains ici. C'est un séminaire LR, oui ou merde ? Son mari, son connard de mari, vient d'officialiser son adhésion au constructif. Alors je te demande, à Fida, qu'est-ce que tu fous là ? Ok, ambiance... Je rappelle que le volet judiciaire et les instructions sont en cours et que, bien sûr, François Fillon est présumé innocent de ce qu'on lui reproche. Il est innocent. Ben, c'est en cours. Je vous donne juste quelques dates qui constituent des repères. Évidemment, je vous parlerai que de l'affaire principale, pas de ce qu'on a appelé parfois les affaires annexes qui ont émaillé toute la campagne. Genre les activités de la société conseil de François Fillon. Deux F conseil. Il y a aussi la question du travail de ses assistants parlementaires pendant la campagne présidentielle, ce qui n'est pas légal. Les polémiques autour des conférences rémunérées qu'il a faites à différents endroits du globe. Une histoire autour d'un petit prêt de 50 000 euros non déclaré. Et l'emploi de ses enfants, bien sûr. Ah, la revue des deux mondes aussi. Ah oui, même si franchement le montant, c'était pas... Pas 100 000 euros. Ça fait cher la fiche de lecture. Ah, il y a aussi une petite polémique autour du classement au monument historique d'une église dans l'Ardèche. Ah bon ? Oui, Wikipédia. Ouais. Mais bon, on n'a plus que deux après-midi, alors on se concentre sur l'essentiel... Pénélope et les costumes. Donc, quelques dates pour mémoire, pour avoir les idées au clair, sur le calendrier des affaires. La semaine dernière, on s'est arrêté au mardi 24 janvier 2017, date à laquelle est sorti le premier article du Canard Enchaîné, qui annonçait un chiffre de 500 000 euros de salaire versé à Pénélope Fillon. Brut. 500 000 brut. C'est vrai qu'en enlevant les charges, il ne reste pas grand-chose. Le 24 janvier 2017, toujours le jour même, donc, ouverture d'une enquête préliminaire de l'OCLCIFF. Quoi ? En gros, c'est l'office anticorruption de la police. Le 26 janvier, interview de Fillon sur TF1. Ah oui, quelle cata cette interview. Oui, on va la commenter ensemble dès qu'Enguerrand a fini son récap chronologique. Donc je continue. Le 29 janvier 2017, c'est le grand meeting parisien de François Fillon dans la halle de la Villette. Ça a été mon dernier meeting avant le burn-out. Un très beau moment. Oui, et le 1er février, deuxième article du Canard, qui corrige le montant des salaires perçus par Pénélope Fillon à 813 440 euros. Brut, hein, brut. Le 6 février, Fillon fait une nouvelle intervention où il présente des excuses aux Français. Le 17 février, il annonce qu'il se maintiendra, même s'il est mis en examen. En suscitant le tollé que vous savez. Et après, concernant les affaires, les trois grandes dates à retenir, c'est 24 février, ouverture d'une information judiciaire. 12 mars, le JDD révèle l'affaire des costumes. Et 15 mars... mise en examen. À un mois du premier tour. Les fumiers, ils lui ont laissé aucune chance. Merci Enguerrand pour cette chronologie succincte qui permet de voir que tout est allé extrêmement vite. Alors aujourd'hui, on vous propose de revenir aux toutes premières heures de la crise, juste après la publication du Canard, pour comprendre la stratégie de défense du candidat Fillon et ce que cette stratégie dit de sa psychologie et des rapports de force au sein du parti. Marie-Dominique nous a raconté la semaine dernière que le candidat semblait ne pas avoir pris immédiatement la mesure de la gravité de la crise médiatique qui s'ouvrait. En tout cas, il n'a rien laissé paraître ce jour-là. Il ne laisse jamais rien paraître. La veille du premier tour de la présidentielle, il est allé se balader seul en forêt. Alors, à l'intérieur, c'est tempête sous un crâne, en surface... C'est calme comme un canard. Et pourtant, dès le lendemain de la publication du premier article, le staff de François Fillon allume les contre-feux et le candidat revient sur TF1 pour dérouler sa ligne de défense. C'est cette interview du 26 janvier que je voudrais qu'on commente ensemble. Enguerrand nous a préparé un petit montage. Oui, parce que ça dure plus de 10 minutes en tout, c'est un vrai grand oral. Et je vous ai sélectionné les principaux moments. Élie, je peux te laisser commencer sans moi, là. Je dois juste passer un petit coup de fil. Tu appuies sur espace hein, pour lancer la vidéo, faire pause. Ouais, bah, je devrais y arriver. Ouais. Donc, interview de François Fillon le 26 bonsoir, janvier au 20h de TF1. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis avant-hier, vous êtes dans la tourmente. Je voudrais vous poser une première question très simple. Votre femme a-t-elle accompli un travail à temps complet ? Salut Thomas, c'est Enguerrand. Pardon de te déranger, mais j'aurais encore besoin de tes lumières. Je suis toujours sur mon séminaire Fillon, là. Je viens de revoir toute la chronologie du début du Penelope Gate et j'ai vu un truc bizarre dans le calendrier, mais je voudrais pas leur raconter des conneries. En fait, c'est en lien avec le financement de la primaire. Comme tu sais, Sarkozy, il avait dépensé 1,3 million pour sa campagne et comme il a perdu, le parti lui a demandé de rembourser 300 000 euros que Sarko avait pas, ou qu'il voulait pas payer. Et on sait maintenant que c'est Fillon qui lui a donné cette somme pour boucler son budget, en puisant sur la trésorerie de son micro-parti. Parce que je crois que Fillon s'est constitué un pactole de 10 millions grâce à la primaire. Enfin bon, tout ça, c'est parfaitement légal et transparent. Mais alors, ce qui m'intrigue, c'est que j'ai des sources qui disent que ce deal entre Sarko et Fillon, il aurait été conclu pendant un déjeuner le 25 janvier. Le 25 janvier, c'est juste le jour où est sorti l'article du Canard. Alors bon, je veux pas faire de parano, mais je sais pas, est-ce que t'aurais des infos sur ce qu'ils se sont racontés ce jour-là pour que Fillon, il accepte de filer 300 000 balles à son ennemi juré? Bon bref, rappelle-moi quand tu peux, s'il te plaît. Merci. Et puis je te laisse, je retourne voir mes grands brûlés. A plus. C'est interdit aux femmes et aux égales. Et je vais même vous dire quelque chose que vous ne savez pas. C'est que lorsque j'étais sénateur, il m'est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de mes enfants qui étaient avocats, en raison de leurs compétences. C'est pas possible. Bon, là, je pense que ça se passe de commentaires. Ces gosses, ils avaient même pas fini leurs études de droit. Dans la perche, ce con. Il était déjà enterré, il creuse encore. On avance dans l'interview. Enguerrand, tu veux prendre relais, s'il te plaît? Oui. Vous vous êtes présenté comme le candidat irréprochable, le candidat de la rigueur, de l'intégrité. Aux yeux des Français, est-ce que vous dites, ce soir, je suis encore cet homme-là, irréprochable? Bien sûr. Je respecte la loi. Il n'y a aucune transgression. Il y a des dizaines et des dizaines de parlementaires aujourd'hui, et tout le monde le sait, qui emploient leur épouse ou qui emploient leurs enfants comme assistants parlementaires. Pourquoi est-ce que, tout d'un coup, seul François Fillon serait cloué au pilori pour cette raison-là? Votre analyse? Ce passage, il est très intéressant parce qu'il y a tout Fillon en trois phrases. La certitude qu'il n'a commis aucune faute... Il dit « aucune transgression », la victimisation avec le pilori et l'idée que tout le monde savait et faisait la même chose que lui. Ça a semé la panique à droite comme à gauche. Il y avait au moins 20% des députés de tous bords qui faisaient travailler des membres de leur famille, n'est-ce pas, Fida? Et encore, c'est les chiffres officiels. Non mais moi, je vais vous dire une chose, hein. Je suis très tranquille avec ça. Le problème des assistants, c'est pas d'être de la famille ou pas. Le problème, c'est qu'il y a ceux qui bossent et il y a les autres. Moi, je bosse avec mon mari, mais je vous promets que je compte pas mes heures et que je vole pas mon salaire. Non, la vérité, c'est que Pénélope... Bah, tu peux le dire. La vérité, c'est qu'on la croisait pas beaucoup dans les couloirs. On aurait dû appliquer la jurisprudence Guémard. C'est-à-dire ? Bah, en 2005, l'affaire Guémard, le type est ministre des Finances et il se fait gauler par le canard, encore une fois, parce qu'il se fait payer un appart de 600 mètres carrés avenue Montaigne. Plus des travaux d'aménagement, plus du personnel. Et qui est-ce qui paye ? C'est quoi le rapport avec Fillon, là ? Bah, le mode de défense. En 2005, quand l'article sur l'appartement de Guémard sort, sa ligne de défense a été de dire « Je vois pas où est le problème, tous les ministres se font loger gratis, tout le monde fait pareil que moi. » Même défense que Fillon. Sauf que dans le cas Guémard, Raffarin, qui était Premier ministre, a compris tout de suite qu'il y avait le feu à la maison et que ça risquait de faire tache d'huile sur tout le gouvernement. Moralité, Guémard a été démissionné en moins de 10 jours. Mais il n'avait pas le même poids politique que Fillon. Mais il y a quoi d'ailleurs, Hervé Guémard ? Ouais, il a soutenu Juppé pendant la primaire, je crois. Il est toujours élu en Savoie, mais il a renoncé à se représenter aux dernières législatives pour respecter le non-cumul des mandats. Mais c'est plutôt que comme les autres, il ne voulait pas se prendre une dérouillée. Je peux vous dire qu'on a eu chaud. Même ceux qui ont été réélus, pour nous, c'est passé un poil de cul. Encore des victimes de la vague Macron. C'est ce qu'on appelle le grand remplacement. Pour revenir à l'interview de Fillon, le dernier extrait à vous faire écouter, enfin, je préfère vous prévenir, hein, c'est le plus pénible. On l'a entendu en boucle pendant les semaines qu'on suivit. C'est à la toute fin de l'interview du 26 janvier. Et ça lui a coûté cher. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. J'ai toujours dit que je ne pourrais pas être candidat à la présidence de la République si j'avais, pas seulement un soupçon, mais s'il y avait une évidence que j'avais transgressé la loi. Ça n'est pas le cas. C'est trop dur. C'est trop dur. Il y a toutes les images qui me reviennent. Les meetings, les interviews. S'en prendre à cet homme qui aime tellement sa femme. Je ne veux plus entendre tout ça. Excusez-moi. C'est trop dur. Mon épouse est remarquable, elle est exceptionnelle. Vous n'imaginez pas à quel point elle souffre qu'on puisse penser qu'elle n'a pas respecté les règles. Alors je le dis ce soir, je la défendrai, je l'aime, je la protégerai et je dis à tous ceux qui voudront s'en prendre à elle qu'ils me trouveront en face. C'était tellement beau ce meeting de la Villette. Tu veux que j'aille te chercher un café ? Un potage, je veux bien. Merci, Evelyne. Tiens. 29 janvier. Ça faisait presque une semaine qu'on ne parlait que de Pénélope dans les médias. On était des milliers. Et quand François Fillon a parlé de sa femme... On s'est tous levés pour scander son nom. Elle était tellement digne. Excusez-moi. C'est encore tellement présent. Mais il n'y a pas de problème, Marie-Dominique. Il faut que ça sorte et c'est très bien. On est là pour ça. Merci à toi de nous offrir cette émotion. Et puis c'est très bien qu'on prenne l'air. Hein. On avait tous besoin d'une petite pause. Je me souviendrai toute ma vie de ce meeting et de cet homme qu'on croyait si fort et qui craquait. En voyant qu'on s'en prenait à sa femme. Pénélope est à mes côtés avec discrétion, avec dévouement. J'ai construit mon parcours avec elle. Ça, pour être discrète. Elle s'occupait tout le temps de lui. Bon, moi, je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois, Pénélope. Elle était au café avec son mari. Lui, il avait commandé un chocolat chaud. Et elle, sans qu'il demande rien... Elle avait légèrement sucré le chocolat de François et elle le remuait doucement avec sa cuillère pour pas qu'il se brûle. C'était tellement beau. 500 000 balles, ça fait cher la touillette. Il était tellement touchant au meeting de la Villette. Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. Bon, c'est bon, Eleonore, hein, j'ai tout préparé, on peut redémarrer quand tu veux. Là, ça va pas mieux, Marino ? Elle est toujours plongée dans ses souvenirs du meeting de la Villette. Aïe. Non, non, c'est très bien, ça sort. Allez, ça sort. Courage, Marido, on est tous ensemble hein, maintenant. Ouais, il faut garder des larmes pour le moment où on parlera des costumes. Allez, on y retourne. Et Marido, promis, on arrête de regarder les vidéos de François Fillon pour aujourd'hui, ok? Oui, oui, ça va aller. Et plus de potage, je t'ai pris du chocolat. Là, je crois qu'on n'a plus beaucoup de place dans la colonne défection. Tu pourras la remettre au propre pour la semaine prochaine ? Ouais, je m'en occupe. Ok. Alors, avant d'attaquer à la suite, parmi tous ces noms qu'on a cités de responsables politiques qui ont lâché François Fillon après l'affaire du canard, si vous en reteniez un seul chacun, ce serait lequel ? Le plus emblématique. Tiens, Steve, par exemple, pour toi, ce serait qui ? Un seul ? Je dirais Arlette Grosse-Coste. Parce que ça a été la première députée qui a manifesté publiquement ses doutes. On s'en fout, c'est une inconnue. Moi, je choisis Georges Fenech, ça a été lui le premier élu de poids à lâcher Fillon, dès le 1er février. Alors, en fait, parenthèse, Georges Fenech, il est intéressant parce qu'il a beaucoup changé de pied pendant les affaires. J'avais noté que le 1er février, il lâche Fillon. Le 2 mars, il appelle à soutenir Alain Juppé. Le 6 mars, il propose Baroin comme plan B. Et le 14 mars, il finit par soutenir Fillon. N'importe quoi. Fenech, déjà, c'est un nom de nuisible. Non, moi, dans la catégorie lâcheur, mon préféré, c'est Guénaud. Ah, lui, j'ai l'extrait, c'était... le 5 février exactement, c'est une interview de France Inter. Hein. Oh. Ah bah désolé. La question était qu'est-ce qu'on fait alors ? Eh bien, on n'a pas beaucoup le choix. À part faire, continuer à faire pression et puis essayer de trouver, pardonnez-moi, une alternative. Ouais, c'est quoi l'alternative ? De toute façon, ma conviction est qu'il ne tiendra pas jusqu'au premier qui jour. Qui trouve l'alternative ? C'est un bureau politique. Les alternatives, elles se trouvent toutes seules. Hein. Alors, vous proposez qui et quoi ? Voilà. Moi. Non mais, sérieusement. Henri Guénaud, lui, c'est rentre en plan B. Quand je pense qu'il a filé des éléments de langage à Le Pen dans l'entre-deux-tours. Ah oui, c'est à moi de parler. Alors, dans la catégorie Fillon, moi je choisis Bruno Le Maire. Oh, c'est vache. Il a tenu longtemps, lui. Il a lâché Fillon le 1er mars seulement. Ah oui, mais c'est lui qui l'a définitivement coulé. Hein. Dans la foulée de son départ, il a entraîné la démission de toute l'équipe de campagne. Boyer, Le Cornu, Le Roux, les Juppéistes, genre apparu. Et notre cher Édouard Philippe, qui est aussi parti à la soupe macroniste. Ouais, les derniers à tenir avant de lâcher Fillon, ça a été Thierry Soler et Stefanini. Lui, je lui pardonnerai jamais. Jamais. Stefanini, c'était le directeur de campagne. On n'abandonne pas le navire. D'autant que les problèmes d'emploi fictifs, il connaît bien. Ah, super. Je décroche pas, excusez-moi, je décroche pas, mais j'attendais justement cet appel. C'est un psychanalyste qui pourrait nous aider dans notre réflexion. Un psychanalyste ? N'importe quoi. Ah ouais, l'idée, c'est de nous éclairer sur le profil psychologique de François Fillon et de nous aider à comprendre d'où il a tiré sa volonté de se maintenir coûte que coûte. Pas besoin d'un psy pour ça, hein. C'est pas la peine de chercher des poils aux œufs. Fillon, il s'est endurci en se faisant marcher dessus pendant des années par Sarko. Mon collaborateur, qu'il disait. Il a tenu quand même 5 ans à Matignon, hein. Face à Sarko. Respect. Et surtout, François Fillon s'est radicalisé parce qu'il a jamais digéré l'élection de 2012 à l'UMP. Radicalisé ? Mais il n'est pas parti en Syrie non plus. Non, mais il s'est fait exploser. Je pense que tout remonte à l'élection de 2012 pour la présidence de l'UMP. François Fillon continue de penser que Jean-François Copé lui a volé le poste. Fillon ne voulait pas revivre ça, il est devenu complètement parano. C'est intéressant que tu parles de paranoïa. Parce que ce qui est d'abord frappant chez Fillon, c'est son rapport à la vérité. Et justement, Fillon, il dit en substance, il y a une vérité, mais on vous la cache. Et moi, je vais vous la dire. Et dire ça comme ça, c'est la structure de la connaissance paranoïaque. Mais on va où, là ? C'est pas un malade mental, Fillon ? Mais c'est pas du tout ce que je dis, Evelyne. Ça ne veut évidemment pas dire que tous ceux qui disent ça sont paranoïaques. Mais c'est un mode de pensée fréquent chez les politiques d'affirmer « Il y a une vérité, et une seule, et c'est moi qui la connais. » Et on n'est pas très loin de la paranoïa. Non, et surtout, c'est que ça donne d'excellents leaders. Parce que beaucoup de gens ont envie de ça. Les gens ont envie qu'on leur dise « La vérité, elle est là, je vais vous la dire. » Ça rassure. Ouais, mais le problème, c'est que quand on croit qu'il y a une seule vérité, ça fait vite très mal, parce qu'on s'aperçoit que l'autre peut avoir une vérité différente. Vous voyez, c'est très intéressant tout ce que vous dites sur la psychologie de François Fillon. On en reparlera quand j'aurai écouté le message, mais avant ça, maintenant qu'on a fini la cartographie des personnalités qui ont lâché Fillon, je voudrais qu'on fasse ensemble la liste de ceux qui l'ont soutenu jusqu'au bout. Ça va aller très vite, là. Ok, alors je vous écoute. Les soutiens inconditionnels de Fillon, c'est qui ? Le dernier carré des fidèles, déjà, Valérie Boyer, Jérôme Chartier... Et surtout Retailleau, le fidèle parmi les fidèles, celui qui a repris la tête du mouvement de Fillon, la... Force républicaine. Voilà. Drôle de parcours, celui-là aussi. Retailleau, il a quand même commencé comme cavalier bénévole au Puy du Fou. C'est comme ça que De Villiers l'a repéré. Déjà la droite catholique traditionnelle. La vraie droite, quoi. Qui d'autre en soutient? Non? Personne? Alors si ça peut vous inspirer, j'ai par exemple retrouvé une tribune sur le site Atlantico, co-signée par une douzaine de juristes, dont plusieurs proches de Sens commun, et ils apportaient leur soutien à François Fillon. Ils dénonçaient carrément un coup d'État institutionnel. Et puis j'ai aussi une interview de soutien à Fillon dans l'Express, par Jean-Pierre Chevènement. Oh, quand tu commences à être soutenu par des revenants, franchement c'est mal barré. Hein. Non mais c'est intéressant hein, ce que dit Chevènement, hein. je vous la lis. Ah non merci, ça va aller. Bon, sinon, qui d'autre a soutenu Fillon? Je sais pas, François Sureau par exemple, qui était la plume du candidat. Il a démenti hein, depuis. Il y a aussi la chargée de com' de Fillon qui l'a soutenu jusqu'au bout. Anne Méo. Il paraît qu'elle assistait à un défilé Yves Saint-Laurent au moment où ils ont appris la mise en examen de Fillon. Elle leur a piqué dardard au QG. J'y étais. Le jour de la mise en examen de François Fillon, j'y étais aussi. Enfin, c'était le 28 février. J'étais juste de passage pour donner un coup de main. Thierry Solaire était encore là, avec ses béquilles. Il venait de se casser la jambe en glissant sur une tache de mayonnaise devant un kebab. Ça s'invente pas. L'ambiance était beaucoup plus tendue ce jour-là. C'était les montagnes russes. Une semaine exactement avant la mise en examen, le 21 février, Fillon était repassé en tête dans les sondages. Ils étaient euphoriques. Mais le lendemain, le 22 février, Bayrou a annoncé son soutien à Macron. Enfoiré celui-là aussi. Toute l'équipe de François Fillon s'est pris un gros coup sur la tête à ce moment-là. Et ils ont compris que ça commençait à sentir le sapin. Et le 28 février, ils apprennent que la mise en examen est confirmée pour la mi-mars. C'est Patrick Stefanini qui a reçu deux coups de fil dans l'après-midi. Un du questeur de l'Assemblée et un autre d'un sympathisant Sens commun bien placé place Vendôme. Décidément, les loges et l'église catholique restent les deux plus puissants réseaux de renseignement de notre pays. Le lendemain, le 1er mars, Fillon devait visiter le salon de l'agriculture. Ça a été une journée folle. Il y a même eu des rumeurs de suicide de Pénélope. C'était horrible. Fillon a bien failli lâcher, je pense, ce jour-là. Mais il y avait aussi Christophe Bihan, le patron de Sens commun, qui était là et qui a tout fait pour pousser le candidat à tenir. Bah forcément, ils ne voulaient pas lâcher leur champion. En Sens commun, évidemment, fait partie des soutiens de Fillon qui tiendront jusqu'au bout. Avec Ludovine de la Rochère et Frigide Barjot qui a lancé une pétition début février, Fillon tient bon, qui a recueilli près de 30 000 signatures. Enfin, sauf qu'au même moment, une autre pétition, Fillon rend l'argent, on a récolté plus de 400 000. Hein. Et après, Marido, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bah, le jour où ils ont appris la mise en examen? Je ne sais pas, je suis partie assez vite. Il paraît que le lendemain matin, Fillon, Sarkozy et Juppé se sont appelés. Fillon aurait dit à Juppé « Je suis prêt à me retirer, mais Sarko s'oppose à ta candidature. » La suite, on la connaît. Ils annulent la participation au Salon de l'agriculture. Sans prévenir les élus qui devaient accompagner Fillon et qui se sont retrouvés comme des cons. Et le 1er mars à midi, ou plutôt midi 20, après avoir fait part aux téléjournalistes, François Fillon a annoncé qu'il ne lâcherait pas. Juste après l'intervention, Bruno Le Maire annonce sa démission. Suivi de toute l'équipe jusqu'à la démission du directeur de campagne le 3 mars. Le lendemain, le 4 mars, François Fillon fêtait ses 63 ans. Ça a dû être un anniversaire bien triste. Il était seulement avec Pénélope et leurs 5 enfants. Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Je vous demande de me suivre. C'est pas de moi qu'il s'agit, de mes droits ou de la présomption d'innocence, c'est de vous, dont la volonté souveraine ne peut pas être annulée, annihilée, détruite. Je serai au rendez-vous que la démocratie et elle seule nous donne pour choisir notre avenir collectif. Bonjour Éléonore, j'ai bien lu votre message et j'ai un peu réfléchi à vos questions. Bon, j'aurais préféré qu'on en parle en séance, mais apparemment c'était pressé pour vous. Alors, soyons bien clairs, il n'est pas question pour moi de poser un diagnostic sur François Fillon, mais on peut tenter d'analyser son discours médiatique. Et ce qui m'a d'abord frappé chez ce candidat, c'est son rapport à la vérité et le choix qu'il a fait à la fin de la campagne de se taire, de ne plus parler quand ça a mal tourné. Parce que Lacan dit La vérité toute ne peut être dite. Et le fou, c'est précisément celui qui dit, eh bien moi, si, je vais la dire. Et il l'a dit, dans la rue, partout, à tout le monde. Et tout à coup, il se tait. Le fou, il ne se tait pas parce qu'il est enfermé. Il se tait parce que c'est trop dangereux, parce qu'il se rend compte que ça va lui attirer des problèmes. Mais enfin, le véritable sujet n'est pas là. C'est pas François Fillon le problème. Et si on faisait un cas un peu abstrait d'un homme, pas François Fillon, mais un homme ou une femme politique en général, qui serait dans cette situation-là, on peut dire que cette campagne présidentielle de 2017, c'était un moment de folie, pour tout le monde. Dans ce rapport à la vérité et à la parole, ça a été fou. Et le naufrage a été collectif, et c'est pour ça que le déni est collectif. Donc, le diagnostic, il ne doit pas porter sur François Fillon, mais sur tout son entourage, et sur toute la campagne présidentielle. Et là, oui, on peut parler de folie. De frénésie, en tout cas, comme on disait au 19e siècle. Bon, apparemment, là, je suis un petit peu long, votre messagerie va me couper la chute. Donc, il faut qu'on s'arrête là, comme on dit plusieurs fois par jour dans notre métier. On en reparle la semaine prochaine. La veste de François Perrache, épisode 3. Avec Émilie Chertier, François Perrache, Olivier Broche, David Sigicelli, Nicole Doguet, Ayam Zetoun, Elsa Bouchin, Michael Delis et Ariane Brousse. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset et Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Cédric Ossir. Menteur, tu confonds les âmes. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui la veste, troisième épisode, le Penelope Gate, la chasse au canard. Notre invitée, Hélène Salvi, journaliste politique à Mediapart. Bonjour Hélène Salvi. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous apporter votre éclairage. Donc vous êtes journaliste à Mediapart et vous avez suivi la campagne de François Fillon depuis les premières révélations du canard enchaîné sur cette affaire qui deviendra le Penelope Gate jusqu'au meeting qu'on a appelé, à tort ou à raison, à tort maintenant, le meeting de la dernière chance au Trocadéro. Alors racontez-nous comment, dans ces moments de pression et de tension intense, vous avez travaillé, enquêté et interviewé et François Fillon et son équipe. C'était quoi l'ambiance et comment on arrive à travailler en tant que journaliste dans cette ambiance-là ? Alors l'ambiance, ça a d'abord été une ambiance de stupéfaction. Parce que fin janvier, quand il y a eu les premières révélations du canard enchaîné, il faut bien dire que tout le monde a été un peu pris au dépourvu, les journalistes, mais surtout l'équipe de François Fillon. Et c'est ça qui était un peu le plus étonnant dans cette histoire-là, c'est que non seulement tout le monde semblait découvrir ses affaires, mais tout le monde semblait aussi découvrir une facette de François Fillon, y compris des amis très anciens qui le côtoyaient en politique ou personnellement depuis des dizaines d'années et qui se sont un peu trouvés dépourvus, qui ont demandé des comptes au candidat et lequel candidat s'est rapidement enfermé, c'est-à-dire qu'il s'est assez vite recentré autour de quelques personnes qui géraient notamment sa communication. À l'époque, quand il n'était pas encore parti, fin janvier, également son directeur de campagne, Patrick Stefanini, et tout son service de communication, Admeo, bien connu, et Myriam Lévy, enfin toutes les personnes qui étaient très très proches de lui. Donc il y a eu assez rapidement un resserrement autour du candidat qui fait que, évidemment, quand on est journaliste à Mediapart, je vous cache pas que accéder à des sources de droite, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on a vécu la période Nicolas Sarkozy, qu'on a sorti plusieurs affaires concernant l'ancien président et que on n'a jamais... Enfin, on a rarement eu un accueil très jovial du côté de la droite. Mais enfin bon, il y a quand même des gens qui nous parlent. Et c'est vrai que on a senti assez rapidement les portes se fermer. Et on a senti aussi assez vite que la campagne allait être très dure vis-à-vis des journalistes. Et ça a été le cas. Pourquoi est-il dur vis-à-vis des journalistes ? Vous avez fait plusieurs campagnes. En quoi celle-là était peut-être plus dure que les autres ? En fait... Il y a eu des campagnes difficiles. Moi, je me souviens très bien à Mediapart de la campagne de 2012, quand Nicolas Sarkozy était candidat. Nous, on a sorti entre les deux tours le fameux document libyen. Donc, effectivement, je vous cache pas qu'on n'était pas non plus très très bien accueillis dans les meetings du candidat de l'UMP à l'époque après ces révélations. Là, ce qui a changé avec François Fillon, c'est que en fait, ce qui pouvait se passer dans les équipes de Nicolas Sarkozy vis-à-vis de Mediapart, c'est en fait généralisé à toute la presse, parce que toute la presse a posé des questions. Et en fait, ces ennuis, ils ont commencé précisément sur la question de son programme. Pourquoi ? Parce que on avait tous collectivement, et je pense que c'est un aveuglement collectif, on s'était tous mis dans un duel Juppé-Sarkozy pendant la primaire. Bien sûr. Ce qui fait qu'en fait, ce que François Fillon disait à l'époque, ce qu'il proposait à l'époque, soit on l'a pas vraiment entendu, soit on l'a pas vraiment écouté, soit, en tout cas, ce qui est sûr concernant son projet, on l'avait pas lu. Or, quand il est arrivé, donc vainqueur de la primaire fin novembre 2016, et quand il est revenu en force début janvier avec les vœux, etc., ben là, tout le monde a commencé à découvrir un peu son programme. Assez radical. Il était radical. Il était radical. Et là, tout le monde ouvre les yeux là-dessus. Et déjà, à droite, certains disaient, attention, on oublie les classes populaires, attention, à qui on parle exactement, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Bon, et je me souviens qu'il y avait eu un conseil national de Les Républicains, si je ne m'abuse, mi-janvier, où déjà beaucoup de voix s'élevaient en disant ce qui serait pas un peu possible de revoir ce projet, et on était quand même très très loin de l'affaire Penelope Fillon. Alors, donc, on ne saura jamais si c'est cette affaire Penelope Fillon qui a fait chuter François Fillon. Après tout, il aurait pu chuter à cause de son programme. Enfin, là n'est pas le cœur du sujet. Il y a eu des affaires et il y a eu tout ce qu'il y a eu après. Alors, le point quand même qui nous a le plus frappé dans cette histoire, à partir du moment où il y a eu les révélations du canard enchaîné, c'est le comportement de François Fillon, ce déni de réalité. Ça, c'était quand même extraordinaire. Comment vous avez réagi face à ça ? Moi, je me souviens que parfois, on le regardait en conférence de presse et on se disait, mais... Il est fou, dans tout le respect qu'on peut avoir pour un homme politique, hein, on dit pas c'est un cinglé. Il est fou, qu'est-ce que c'est que cette folie, quoi. Ouais, c'est un, mais bon, après c'est du ressort de la psychologie. Moi, je fais pas ça personnellement. Mais oui, il y a eu quand même quelque chose d'assez fou. Après, quand on est dans une campagne présidentielle, quand on est candidat, quand on s'est préparé pendant des mois et des mois à la plus haute fonction de l'État, c'est compliqué, hein, quand même, de se dire que les ennuis arrivent 2-3 mois avant. Et on peut d'autant plus l'imaginer pour une personnalité comme François Fillon, qui l'avait construit absolument toute sa campagne de la primaire et puis même avant, avec les histoires de la présidence de l'UMP face à Jean-François Copé. Enfin bon, il s'est toujours présenté comme un peu le chevalier blanc de la droite. Il s'est toujours, lui, revendiqué d'une, je crois que ce sont ses mots, d'une éthique irréprochable. D'une probité. Voilà, c'était l'homme qui allait finalement mettre fin à des années d'affaires, de petits règlements de compte au sein de la droite, parce que, enfin, on est quand même dans un parti qui, j'ai couvert ce parti pendant 4 ans, 5 ans. Il y a une culture violente. Et surtout, il y a une culture des affaires. Moi, je me suis rendu compte, quand j'ai cessé de couvrir la droite, que, en fait, durant toute ma couverture de la droite, je n'avais principalement parlé que des affaires. J'ai toujours parlé des affaires dans ce parti. Et donc, François Fillon, c'était finalement l'opposé de ça. C'est-à-dire que, enfin, la droite élisait quelqu'un qui n'avait jamais été condamné, qui n'avait jamais été mis en examen, sauf pour une histoire de diffamation, et bref, peu importe, qui n'avait pas été inquiété sur le terrain judiciaire. Sur le terrain judiciaire, face à un Nicolas Sarkozy dont on connaît le pédigré. Donc voilà, et quand, en fait, cette chose est survenue, bah, finalement, François Fillon, il s'est retrouvé pris un peu à son propre piège, à son propre discours. Et c'est pour ça qu'il s'est radicalisé, non seulement dans son rapport aux autres, à ses équipes, aux journalistes, à la justice, et il a aussi radicalisé son projet. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a quand même peu de gens qui l'ont noté. C'est quand même un candidat qui, pendant la primaire, avait moqué un petit peu les obsessions de Nicolas Sarkozy, par exemple, sur la laïcité, la religion. Il trouvait que c'était pas vraiment digne d'un candidat à la présidentielle que de parler de double portion de frites. Il moquait un peu ce genre de choses. Et il disait, moi, je suis sérieux, je vous propose un projet économique. D'ailleurs, tout ce qui est de l'ordre de l'immigration, c'est-à-dire ces sujets un peu faciles à droite, parce que on sait que finalement, quand on parle d'immigration ou quand on convoque le mot de Christiane Taubira, on va emporter les foules dans une salle. On agite le chiffon rouge, quoi. Voilà. Donc, ça, François Fillon, il s'en était toujours un peu écarté. Or, quand il s'est retrouvé face aux difficultés judiciaires cette fois-ci, lui-même empêtré dans les affaires, mais il y a les droits devant. Et en fait, il nous a fait 2 mois de démagogie pure, où en fait son projet immigration, qui était un peu passé inaperçu, qui était quand même un des plus durs que la droite n'ait jamais présenté, il est revenu au centre de son discours, et puis il a attiré, on le sait, par la suite, ce mouvement qui est sens commun. Donc finalement, il s'est cristallisé, il a refermé au fur et à mesure son noyau dur, et ça se sentait dans la relation, mais ça se sentait aussi sur son projet. Et Hélène Salvi, on va continuer de parler de François Fillon, et on a parlé, c'est bien d'avoir reparlé de son programme, parce qu'après tout, c'est un candidat à la présidentielle, il arrive aussi avec un programme, il n'y a pas que les affaires, c'est bien d'y revenir. On va revenir quand même sur la gestion des affaires, à tout à l'heure, dans 3 minutes. Au tir à la carabine, la crosse nichée dans ton épaule, tu détruisais cible après cible, c'était définitif et beau, les éclats de plastique fusaient. Quand tu caressais la gâchette, parfois tu jouais pour la peluche, parfois pour le radiocassette. Au tir à la carabine, la crosse nichée dans ton épaule. Au tir à la carabine. Oh, oh. Au tir à la carabine, tu excelles toujours autant. Les plombs qui sortent de ta bouche font voler en éclats les gens. Ta motivation est moins claire, un genre de pluche imaginaire, un truc dément que toi seul vois chaque fois quelqu'un mord la poussière. Au tir à la carabine, sur toi. Depuis tu n'emmerdes plus les gens, tu n'envoies plus voler de plomb. Parfois c'est un peu moins marrant, mais ça te va mieux la compassion. Hélène Salvi, donc, on se souvient du déni de réalité de François Fillon après les révélations du canard. Il aurait dû penser que c'était vraiment très très mal embarqué, cette affaire-là, et qu'il allait embarquer tout le monde dans une espèce de suicide collectif, appelons ça comme on veut. Et il est dans ce déni. Pourquoi un homme intelligent, hein, quand même, persiste-t-il dans ce déni sur le postulat que, à partir du moment où il a remporté la primaire, il est légitime. Et il va garder ce raisonnement jusqu'au bout. Je ne sais pas personnellement s'il croyait vraiment ce qu'il disait, mais comment vous avez réagi, vous, face à ce déni de réalité sur lequel je veux revenir, parce qu'il est vraiment important. En fait, c'était assez terrible, parce que quand on était... il en a fait très peu, mais il a fait quelques offs avec des journalistes pendant des déplacements. Et moi, je me souviens très bien d'un des derniers offs qu'il a fait, c'était dans un déplacement à Biarritz. C'était vraiment, je crois, un des derniers déplacements de la campagne. Fallait voir ce que c'était la campagne de Fillon, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul déplacement qu'il faisait sans qu'il soit accueilli par des concerts de casseroles ou des gens qui hurlaient, rend l'argent. Je pense sincèrement que même humainement, c'est terrible, quoi. Enfin, il y a un côté. C'est un chemin de croix. C'est un chemin de croix, et puis surtout, il voulait défendre tout le temps son projet et tout. Et c'était inaudible, c'était impossible. Tout le monde ne parlait que de ça. Et un des derniers off, je lui avais posé la question, je lui avais dit, mais pourquoi, quand vous voyez ces personnes, vous passez devant, vous les regardez pas? Puisque vous vous sentez dans votre bon droit, est-ce qu'il y aurait pas, un peu naïvement, hein, la question n'était pas non plus complètement bon. Je lui dis, pourquoi n'allez-vous pas au devant de ces personnes? Pourquoi n'allez-vous pas leur parler, vous expliquer avec eux? Il m'a répondu textuellement, je les emmerde. Et en fait, c'était ça François Fillon pendant toute cette campagne. C'est que dès qu'on lui posait une question, en lui pointant justement le déni de réalité, il répondait. Allez vous faire voir, je les emmerde, je serai au second tour, vous verrez, on vous fera mentir. Parce que c'était vraiment une guerre, c'était lui contre le reste du monde. Lui. Il y croyait ou vous voulez sauver la face, à votre avis? Moi, je pense qu'il y croyait. Je pense qu'il y croyait et je suis pas loin de penser aussi que tout ça, c'est très lié justement au resserrement de son entourage. Ces gens l'ont placé dans une bulle. C'est-à-dire que effectivement, quand on est candidat, et c'était un peu la même chose pour Nicolas Sarkozy pendant la campagne de la primaire. Quand on est candidat et qu'on est devant une salle où on a ameuté plein de gens de partout et que ces gens crient votre nom et vous trouvent génial et qu'on ne voit rien d'autre que ça, bon, on se dit qu'on va gagner. Quel est le problème? Les gens sont là, les salles sont pleines. Nicolas Sarkozy faisait des dédicaces avec des files d'attente de dingue. Donc François Fillon était là-dedans. Et comme il ne voyait rien d'autre, parce qu'il était complètement protégé par des personnes qui lui ont dit « Oui, le mur est en face, mais allons-y, et puis peut-être qu'on pourra passer à travers. » Du coup, je pense qu'ils se sont tous pris à leur propre jeu. Quoi. Alors, je vais revenir moi sur... l'entourage de François Fillon, comment vous avez travaillé avec les cadors des Républicains? Est-ce que certains en ont profité pour attaquer Fillon, pour prendre leur revanche? On peut imaginer ce marigot comme ça. Comment ça se passait? Vous arriviez à avoir des informations facilement, difficilement, vous en apportez? Racontez-moi. Alors le plaisir de la droite, quand on est journaliste et qu'on couvre la droite, c'est qu'ils se détestent. Oui, mais oui. Donc finalement, et ils se sont toujours détestés. Hein. Donc en fait, il y a toujours quelqu'un pour parler sur quelqu'un d'autre. Donc au-delà de l'entourage très très resserré de François Fillon, assez rapidement, les langues ont commencé un petit peu à se délier. D'autant plus que François Fillon, c'était quand même pas fait que des amis durant toutes ces années à droite. Donc oui, les gens ont commencé à parler, surtout les gens se sont interrogés, y compris des personnes qui avaient soutenu François Fillon et qui se sont elles-mêmes interrogées. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis trahis par cet homme et qui ne l'ont pas supporté. Et quand on se sent trahi, ben... On parle. On parle. Est-ce que ça veut dire qu'on est venu vous apporter des informations ou il fallait quand même aller à la pêche ? Alors, le côté l'information arrive tout cuit, c'est assez rare quand même. Ouais. C'est le fruit de rencontres, de personnes avec qui on travaille depuis des années. C'est un mélange d'un peu tout ça. Et puis après, c'est toujours la même chose. On commence à... Mais ça, c'est le cas de toutes les enquêtes. On commence à travailler sur un sujet qui en amène un autre, qui tire un autre fil, qui tire un autre fil. Donc, on finit par trouver ce qu'on... pas ce qu'on cherchait, mais on finit toujours par trouver quelque chose. Voilà, avec un petit coup de pouce de temps en temps. Mmh. Hein. Est-ce que vous avez vu Nicolas Sarkozy pendant toute cette période ? Parce que on connaît Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un d'assez transparent dans le sens, pas transparent qu'on ne voit pas, au contraire, hein, mais dans le sens où il n'arrive pas toujours à cacher ce qu'il pense vraiment. On arrive à voir dans ses yeux, dans sa façon d'être. Est-ce que vous, quand vous avez vu Sarkozy, après les malheurs de Fillon, vous avez senti chez l'ancien président de la République quelque chose qui pourrait être du domaine d'une certaine forme de satisfaction? Je pense que c'est un peu double. Nicolas Sarkozy, lui-même, était dans un déni de réalité. Je pense qu'il n'a pas compris pourquoi il avait perdu la primaire de la droite. Et partant de là, et puis connaissant les relations qu'il entretenait avec son ancien Premier ministre, il ne devait pas être ravi quand même que quelqu'un lui succède et que en plus, ce soit François Fillon. Une fois ça dit, moi je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui a été président de la République entraîne la chute de François Fillon. Oui, je peux très bien l'imaginer. La chute de toute la droite française, parce que c'est quand même ça qui s'est passé. Hein. Bien sûr. J'ai un peu du mal à me dire... Alors, je vais poser la question différemment. Quel était son comportement ? Il avait l'air excité Moi, pour tout vous dire, vous imaginez bien accablé. Que je déjeune rarement avec Nicolas Sarkozy, pour ne pas dire jamais. Mmh. Les échos que j'en ai eus, c'est qu'il était consterné, pas mécontent de ce qui se passait, mais pour François Fillon. De là à dire qu'il était à la manœuvre, je pense que c'est un peu aller trop loin. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que je pense que quand les équipes de François Fillon ont communiqué à grand renfort de complotisme sur d'abord le gouvernement de François Hollande, puis Emmanuel Macron, puis toute la gauche, puis les journalistes, puis la justice, je pense pas qu'ils regardaient au bon endroit. Où est-ce qu'il fallait regarder, à votre avis ? Je pense que ces gens se détestent assez pour se dire... C'est quoi la phrase exactement ? Gardez-moi de mes ennemis, je m'en charge. Bon, ça, c'est Pompidou, je crois, qui disait ça. Oui, bah, ils auraient peut-être dû se l'appliquer. Bon, quand vous aurez l'âge d'être une sage, que des jeunes journalistes viendront consulter, qu'est-ce que vous leur direz de ce moment que vous avez vécu en 2017 ? Je leur dirais que ça a été très enrichissant. Parce que on a travaillé comme des dingues et c'était fou. Il y avait des rebondissements tous les jours. Il y avait c'était vraiment incroyable. Après, je pense que le bémol que je mettrais dans cette campagne, c'est que moi, effectivement, j'aime bien les sujets de fond et qu'il en a pas été vraiment question. Ça, c'est clair. Mais en revanche, non, c'était comme, je pense qu'on vivra plus. Enfin, j'en sais rien. Ah, mais... c'est fou là, faut pas s'avancer là-dessus. Non, mais c'était quand même à plein d'égards une campagne. Bien sûr, à plein d'égards, malgré leur qualité, les séries Le Baron Noir ou Marseille peuvent aller se rhabiller par rapport à la réalité. Merci Hélène Salvi, je rappelle, journaliste à Mediapart. Merci. Vous avez découvert la campagne de François Fillon en 2017. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, La Veste, épisode 3, Penelope Gate, La Chasse au Canard. Une fiction écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossir et Al Nioro. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Audrey Vélil.